Explique-leur le mot pudeur. Et quand sur toi ce voile se pose, son éclat en toi repose. Tu es la perle d'un grand collier, si précieuse à tout jamais. Celui d'une famille sacrée, à toi à tout jamais lié. Quand se couvre ton corps comme la perle qui luit aux doux rayons de l'aurore. Comptes-ils toujours à te juger? N'es-tu pas une femme libre? Que tes voiles te portent tout haut, que d'étoiles au bord des dévots, auteur des rêves et des espoirs, laisse danser cet étendard. On a voulu faire de laïcité la seule voie de félicité. Mais que met-on derrière les mots? De la matière à faire des choses. Tu révèles ton esprit quand se couvre ton corps comme la perle qui luit aux doux rayons de l'aurore. Comptes-ils toujours à te juger? N'es-tu pas une femme libre? Tant de discussions, tant de commissions. Stasi, hérésie, faux compromis. 15 mars 2004, tu éclates dans les esprits. La loi résonne et sort. Explique-leur le mot pudeur. Et quand sur toi ce voile se pose, son éclat en toi repose. Tu es la perle d'un grand collier, si précieuse à tout jamais. Celui d'une famille sacrée, à toi à tout jamais lié. Raconte-leur.